Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, épisode numéro 60, en compagnie du professeur Fun. Salut Alan, Salut Mathieu. tout va bien? Ouais, ça va super, merci. Et toi? Excellent, ouais, très bien, très bien. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée de la semaine passée, c'est ça? Oui. Enfin, c'est toi qui vas continuer sur ta lancée de la semaine dernière, si j'ai bien tout compris. Donc, la semaine passée, tu nous as parlé des planètes habitables, et cette fois, tu vas nous parler des conditions chimiques nécessaires à la vie, c'est juste? Exactement. Ah ben, je me réjouis. Donc tu te rappelles, la semaine passée, on avait parlé de la zone habitable, c'est-à-dire où dans quelle position devait, à quelle distance devait se trouver une planète à son étoile pour pas qu'elle soit trop loin ni trop proche, pour pas qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Donc il faut qu'elle soit juste à la bonne distance. Donc supposons qu'une planète soit à la bonne distance de son étoile. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer pour que la vie puisse apparaître? Alors, avant de pouvoir déterminer les conditions nécessaires à la vie, il faut évidemment pouvoir définir ce que c'est la vie. Et définir ce que c'est la vie, c'est pas une tâche facile. Pierre Kerner, dans son dossier sur l'arbre du vivant qu'il avait fait, nous avait dit qu'il fallait considérer la vie non comme une substance aux propriétés éternelles, mais plutôt comme le résultat d'un processus issu de sélection naturelle. Alors, les caractéristiques du processus du vivant peuvent être décrites par différentes capacités, c'est ce que nous avait dit Pierre. Il en avait mis en avant quatre, c'est-à-dire la capacité de croître, la capacité à se nourrir, la capacité à se reproduire et la capacité à évoluer. Donc ça, c'est les quatre capacités qui peuvent définir le vivant. Qu'est-ce qu'un être vivant? Ou un processus vivant, du vivant, d'accord? Alors, moi, je vais tenter de compléter un peu cette définition. Puis je vais ajouter un nouveau élément important qui est celui de la capacité symbiotique du vivant. Alors, la symbiose, on va juste expliquer ce que c'est en deux organismes vivants, c'est la capacité de ceux-ci à collaborer et à s'entraider mutuellement pour survivre. On trouve de nombreux exemples de symbiose dans le règne animal et végétal. Un exemple tout simple est celui des bactéries qui se trouvent dans notre flore intestinale. Ces bactéries sont indispensables à notre survie. On voit aussi qu'il existe les lichens, par exemple, qui sont un bon exemple de symbiose. Ils sont généralement constitués de l'association symbiotique entre un champignon et une algue. Mais on peut aussi descendre d'une échelle. Et on peut commencer à parler aussi de symbiose moléculaire. Alors, les molécules dans nos cellules forment et s'assemblent dans un système complexe qu'on appelle de type symbiotique. On voit que certaines molécules existent parce que d'autres sont aussi présentes. Les unes ne pourraient pas être présentes sans les autres. Et c'est cette symbiose moléculaire qui contribue à la survie de l'ensemble du système moléculaire, et donc de nos cellules. Alors par exemple, les molécules d'ADN peuvent exister uniquement parce qu'il y a les protéines, qui sont d'autres types de molécules, qui peuvent l'aider dans sa reproduction. Et vice-versa, les molécules de protéines peuvent exister car l'ADN est capable de son côté, via l'ARN messager, à se traduire en protéines. On voit bien qu'on se trouve dans une sorte de circuit fermé dans lequel certaines molécules ne pourraient pas survivre et exister sans l'aide d'autres molécules. Alors, une molécule en soi est inerte, mais au sein d'un système moléculaire plus complexe, le système lui-même peut devenir dynamique. Alors, essentiellement, les éléments chimiques constitutifs des molécules de base nécessaires au développement de la vie sont les éléments chimiques constitutifs de l'ADN et des acides aminés. Alors, principalement, je vais en citer 6. C'est le carbone, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et en moindre mesure le soufre et le phosphore. Alors, ce sont ces différents éléments qui sont entre très abondants et disponibles dans le milieu interstellaire qui constituent le vivant. D'ailleurs, comme j'ai dit, ils sont très abondants dans le milieu interstellaire. D'ailleurs, on pense que ce serait un astéroïde qui aurait apporté sur Terre ces éléments sous forme de molécules. Alors, on va commencer à s'intéresser au plus important d'entre eux, c'est le carbone. C'est l'élément le plus important de tous pour l'apparition de la vie. C'est lui qui donne en quelque sorte le squelette chimique principal du vivant. Et l'atome de carbone a la propriété de pouvoir s'unir à quatre autres éléments chimiques, qui sont principalement des autres atomes de carbone, de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène. D'accord? Donc le carbone peut OK. s'unir au carbone, à l'oxygène, à l'azote et à l'hydrogène. Et par ces unions, il peut former des molécules qu'on appelle organiques. L'atome de carbone possède justement, comme je l'ai dit, quatre liaisons chimiques possibles. C'est-à-dire qu'il a en quelque sorte quatre bras avec lesquels il peut faire beaucoup de choses. Il peut, grâce à ses quatre bras et à ses quatre possibilités de liaison chimique, créer des chaînes moléculaires en s'associant à d'autres atomes de carbone ou à de l'oxygène, azote ou hydrogène. Mais le carbone, il a aussi une autre particularité très intéressante. C'est que l'énergie mise en jeu dans la liaison qui l'unit à un atome voisin n'est pas contraignante. Alors, je vais m'expliquer. Ouais. Les énergies de liaison et de rupture sont similaires entre le carbone et les éléments chimiques avec lesquels il peut se combiner pour que la vie apparaisse. Par exemple, l'énergie mise en jeu dans une liaison carbone-oxygène est similaire à celle mise en jeu dans une liaison carbone-carbone ou dans une liaison carbone-azote. L'atome de carbone n'a donc pas de préférence de liaison avec un élément qui aurait une liaison plus forte et plus difficile à rompre. C'est donc un atome qui traite les éléments avec lesquels il s'unit de façon équitable. C'est une sorte d'atome démocratique. Et donc, ses propriétés lui confèrent donc une grande capacité de diversité de combinaisons moléculaires. Et sans diversité moléculaire, un système complexe avec métabolisme et symbiose moléculaire ne pourrait tout simplement pas exister. D'accord? Ok, tout bien suivi. Alors ça, c'est pour le carbone. D'accord. On a aussi besoin d'eau liquide pour le vivant. Alors, l'eau liquide, c'est aussi un élément indispensable car elle va jouer le rôle de solvant pour faciliter les réactions chimiques à partir de ces éléments chimiques de base que j'ai cités, carbone, oxygène, azote, hydrogène, soufre et phosphore. L'eau permet aussi de transporter les molécules de ces éléments pour qu'elles se rencontrent. L'eau des océans terrestres aurait en partie comme origine la glace présente sur des comètes, qui auraient impacté la Terre à plusieurs reprises, quelques millions d'années seulement après la création de notre planète. Alors, carbone et eau, on a déjà parlé de ça, mais pour obtenir des chaînes d'acides aminés, il faut pouvoir former des longues molécules. Et on a besoin de former ce qu'on appelle des liaisons peptidiques entre les molécules organiques primordiales à base de carbone dont j'ai parlé. Et une protéine est constituée de plusieurs acides aminés mis bout à bout grâce à ces liaisons qu'on appelle peptidiques. Et pour effectuer ce processus de liaison entre acides aminés, il faut éliminer une molécule d'eau. Donc si tout se passe dans l'eau, c'est pas très efficace parce que l'eau est partout et aura tendance à empêcher la création de ces liaisons peptidiques, car il faut enlever une molécule d'eau, donc on n'arrive pas à l'enlever. On a donc besoin de périodes d'alternance entre une certaine humidité et de la sécheresse. Donc l'origine de la vie aurait donc plutôt eu lieu dans des flaques d'eau ou dans des zones de marée. Par exemple, une flaque d'eau peut s'évaporer, ce qui permet la concentration et la création de ces liaisons peptidiques, puis la pluie permet de recommencer le cycle d'alternance aux sécheresses. D'accord? D'accord. Alors, ça, c'est les trois points principaux dont je voulais parler. Je crois que tu voulais peut-être nous dire deux mots sur l'expérience de Miller avant que je continue. Ouais, effectivement, je vais tenter d'en parler en moins de 5 minutes. Tout d'abord, un grand merci à David du blog Science Étonnante qui a récemment publié un billet justement sur l'expérience de Miller dont je me suis très largement inspiré. On en fait en fait l'expérience à chaque instant. On a tous besoin de Ah, extrêmement puissant, oui. excuse-nous, on a une coupure. Tu peux Ah, d'accord. reprendre? Donc, je disais, on en fait tous l'expérience à chaque instant de notre vie en respirant. L'oxygène est indispensable à la vie. Or, l'oxygène est un oxydant extrêmement puissant qui abîme les molécules du vivant, comme les protéines et l'ADN dont tu viens de parler. Donc, il est impossible d'imaginer que la vie ait pu démarrer dans une atmosphère riche en oxygène, comme celle de la Terre d'aujourd'hui. Alors, on a quelqu'un qui a émis une hypothèse. Qui s'appelait Alexander Oparin. C'était un Russe. Donc, au 19e siècle, au début du 20e siècle, la théorie la plus en vogue concernant l'origine de la vie, c'était ce qu'on appelle la panspermie, qui postule que la vie sur Terre serait d'origine extraterrestre, précisément à cause de cette histoire d'oxygène. Et puis en 1920, ce biochimiste russe a émis une hypothèse folle. Il s'est demandé Et s'il n'y avait pas toujours eu de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre? Et si cela avait permis à la vie de démarrer par une succession de simples réactions chimiques? La Terre a 4,5 milliards d'années, les traces de vie les plus anciennes remontent à 3,5 milliards d'années, l'atmosphère a eu le temps de changer pendant 1 milliard d'années. Et pour l'oxygène, on sait maintenant qu'Oparine avait raison. C'est la vie, et notamment la photosynthèse, qui produit les quantités astronomiques d'oxygène qu'on trouve dans l'atmosphère terrestre. Alors, on a dit que c'était en 1920, hein, qu'il a émis cette hypothèse. Un petit peu plus de 30 ans plus tard, un jeune doctorant de l'université de Chicago, Stanley Miller, a réalisé en 1953 une expérience qui lui a permis de publier sa thèse et justement de valider l'hypothèse d'Oparine et de se rendre célèbre en passant. Il a recréé en éprouvette les conditions de la soupe originelle, donc soit trois ingrédients. D'abord, un mélange de gaz proche de ce qu'on pensait être l'atmosphère primitive, soit de l'hydrogène, du méthane enfin un mélange de méthane et d'ammoniac, de l'eau, et puis des étincelles, donc des décharges électriques qui, dans la nature, étaient représentées par des éclairs. Et les premières réactions de cette expérience ont été visibles dès les premiers éclairs. L'atmosphère est devenue toute rose. Donc son atmosphère de synthèse, hein, en fiole, en laboratoire, elle est devenue toute rose. Et au bout d'une semaine, Stanley Miller a analysé le contenu de cette soupe et, tada, il y a trouvé 11 acides aminés, ces briques élémentaires du vivant. Donc sans magie, sans aide divine, juste en partant de quelques composants chimiques non organiques, naturellement présents. Donc juste après une semaine déjà. Ouais, après une semaine. Wow. Et puis depuis, on a refait son expérience. Avec des mesures plus précises, on a trouvé jusqu'à 25 acides aminés, alors que le vivant n'en utilise que 20. Et en changeant un peu la composition de la soupe primordiale, en y ajoutant par exemple du sulfure d'hydrogène ou du dioxyde de soufre, qui aurait pu être fourni grâce au volcan à l'époque, eh ben on obtient encore plus d'acides aminés. Donc l'expérience n'a pas permis de démontrer la production spontanée de molécules plus complexes comme les protéines, par exemple, ou l'ADN. Mais bon, en laboratoire, on a pu simuler que ce qui se passe en quelques jours, quelques semaines, voire quelques années. Et pour rappel, dans la nature, il s'est écoulé près d'un milliard d'années, soit 1 000 millions d'années, soit 1 000 milliers de milliers d'années. C'est juste pour donner une idée, quand on dit le mot milliard, comme ça, on ne se rend pas forcément. Ah, C'était excuse-nous, on a de nouveau une coupure quand tu étais en train de compter les milliers de milliers d'années pour arriver au milliard. Ouais, donc 1 000 milliers de milliers d'années, c'est-à-dire une quantité invraisemblable d'années que notre entendement n'arrive pas très bien à manier, quoi. C'est beaucoup trop. Mais tout ça pour dire que la nature aurait eu le temps de combiner, de recombiner ces briques élémentaires jusqu'aux premières traces de cyanobactéries qu'on a observées il y a 3,5 milliards d'années. Puis à partir de là, l'évolution explique le reste. Donc voilà, c'est évidemment à ce stade impossible de prouver que c'est bien comme ça que la vie a démarré, mais ça reste l'hypothèse la plus probable. En tout cas, elle est tout à fait pertinente et on sait qu'elle est parfaitement vraisemblable. Voilà. D'accord. Pour l'expérience de Miller. Donc pour continuer, on a dit que bon, il fallait du carbone hein, pour que la vie puisse apparaître. Mais on peut se poser aussi la question si la vie basée sur le silicium serait possible. Parce que l'atome de carbone a la possibilité de former quatre liaisons chimiques. Mais le silicium, qui se trouve juste au-dessous du carbone dans le tableau périodique, a lui aussi quatre possibilités de liaison. Donc pourquoi ne pourrait-il pas s'unir à d'autres éléments et former quatre chaînes de liaison, comme le fait le carbone, et donner naissance à une vie basée sur le silicium? Alors le silicium, il a quand même quelques inconvénients par rapport au carbone. Il s'unit à l'oxygène avec beaucoup plus de force qu'avec les autres éléments. Il a en quelque sorte une préférence pour l'oxygène. D'ailleurs, tout le silicium qu'on trouve sur Terre est saturé par l'oxygène et se trouve sous forme de silicate. On peut alors argumenter qu'il pourrait exister quelque part dans l'univers une planète contenant du silicium mais pas d'oxygène. Et sur une telle planète, la formation de silicates serait donc impossible. Et ça pourrait alors donner naissance à des molécules à base de silicium possédant des liaisons énergétiques similaires avec d'autres éléments, comme le fait le carbone, mais pas avec l'oxygène, d'accord? Parce qu'il y aurait une absence d'oxygène. Néanmoins, on sait que les éléments chimiques comme le silicium et l'oxygène se forment à l'intérieur des étoiles, suite à des fusions nucléaires. Et l'explosion d'une étoile en supernova libère ces éléments dans l'espace. Or, l'oxygène se forme de façon beaucoup plus abondante que le silicium. Dans l'univers, il existerait 9 fois plus d'atomes d'oxygène que de silicium. L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. Ensuite vient l'hélium, puis l'oxygène. En quatrième position vient le carbone, qui est lui aussi bien plus abondant que le silicium. Ok. Alors, supposons tout de même que le silicium se trouve dans un environnement qui lui permette de former des molécules possédant d'autres chaînes chimiques que celles qu'on pourrait créer avec l'oxygène. On sait que l'eau liquide est un milieu indispensable pour favoriser la rencontre, l'organisation et le métabolisme de ces molécules. Or, dans le cas du silicium, l'eau décomposerait très rapidement les chaînes moléculaires du silicium au lieu de les organiser comme elle le fait avec le carbone. Le silicium s'unirait alors rapidement à l'oxygène de l'eau pour former à nouveau des silicates. Alors, il faudrait pouvoir imaginer un liquide nouveau qui serait capable de favoriser l'organisation des molécules de silicium au lieu de les décomposer. Mais à ce jour, on ne connaît aucun liquide susceptible d'avoir ces propriétés vis-à-vis du silicium. Il semble donc très peu probable que la vie spontanée puisse apparaître ou avoir apparu à partir du silicium. D'accord. Ah, je suis épaté. Donc, ça veut dire que si des extraterrestres à base de silicium ne veulent nous attaquer un jour, il n'y aurait qu'à leur balancer de la flotte et ils se décomposeraient, c'est ça? En silicate, ouais, vu comme ça, Bon, alors ça va, on est tranquille. Bah, justement, en parlant de premier contact avec les extraterrestres, c'est une des questions qu'on s'est posées hein, dans le cadre de la constitution de ton dossier. Et puis, on voulait avoir l'avis d'un spécialiste. Du coup, on s'est tourné vers notre ami sceptique, mais fan d'ufologie de service. J'ai nommé Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme Scientifique. Donc, j'ai eu l'occasion de l'interviewer vendredi dernier sur le sujet. On va diffuser l'interview maintenant. Elle est un peu coupée au montage parce que Jean-Michel adore le sujet. Il s'est un peu emballé, il a beaucoup parlé et puis bah, ça nous aurait fait quelque chose de beaucoup trop long par rapport à la contrainte de temps qu'on s'était fixé. Du coup, il a coupé, c'est lui qui a fait l'édition, il a coupé pas mal de choses au montage. Donc ce qu'on va entendre maintenant, c'est une version abrégée de cette discussion. Mais vous avez la possibilité d'entendre l'interview complète sur le site de Jean-Michel Abrassard ou même dans son podcast en fait puisqu'il l'a diffusé également chez lui en fait on refait notre crossover ça devient une tradition annuelle le crossover scepticisme scientifique et podcast science donc voilà je me tais on va écouter Jean-Michel qui se présente en deux mots pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas et puis qui enchaîne sur la notion de premier contact. Je suis Jean-Michel Abrassard et j'ai mon propre balado, pour ceux qui l'ignoraient, qui s'appelle Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je me base sur un livre qui s'appelle After Contact, The Human Response to Extraterrestrial Life, donc après le contact, la réponse humaine à la vie extraterrestre, qui est un bouquin qui a été écrit, je pense, dans les années 90 par un psychologue social qui s'appelle Albert A. Harrison. Bon, sa question dans son bouquin, c'est comment est-ce qu'on réagirait s'il y avait un premier contact? C'est exactement notre question. C'est parfait. Le premier contact, c'est un terme qu'on utilise dans la littérature pour désigner tout type de contact avec une espèce extraterrestre, la première fois que quelqu'un rentrera en contact. On peut imaginer déjà des astronautes qui se posent quelque part et qui tombent sur une forme de vie extraterrestre. On peut imaginer une soucoupe volante qui se pose j'allais dire devant le jardin de la Maison Blanche, mais les amis français râleraient, alors je dirais devant l'Élysée, je ne sais pas en Suisse où ils se poseraient. Devant le Palais fédéral à Berne, Voilà. au milieu du marché aux oignons, je sais pas. Et une troisième type de contact, qui en fait est finalement probablement celui qui serait le plus plausible, ce serait en fait la détection d'une émission radio par le programme SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc tout ça tombe sous le concept de premier contact. Alors en cas de premier contact, donc Harrison nous dit il y aurait des effets à court terme et des effets à long terme. Alors évidemment les effets à court terme, ça serait est-ce qu'il y aurait une panique ou comment on réagirait au moment de l'annonce de la nouvelle. C'est ce dont on va parler le plus après, évidemment. Mais juste un mot sur les effets à long terme. Bah là, ça serait les changements, l'impact culturel que ça aurait, parce qu'on peut imaginer que ça évidemment révolutionnerait nos connaissances scientifiques, parce qu'il faut imaginer que ces extraterrestres auraient une technologie, si pas supérieure à la nôtre, en tout cas certainement très différente de la nôtre. Et puis, enfin, ça révolutionnerait toutes les sciences, parce qu'on aurait, on peut comme on peut s'en douter, et puis ça révolutionnerait même plus, parce que par l'exemple classique, c'est de dire qu'est-ce que ça changerait pour les grandes religions, par exemple, quel serait l'impact théologique sur le catholicisme si on découvrait des espèces extraterrestres, alors que Jésus est apparu chez nous pour sauver du péché toutes les formes de vie intelligente. Donc, ça pose des questions théologiques. La réaction dépendra de divers facteurs. Le premier facteur, c'est la menace perçue, donc c'est-à-dire essentiellement le niveau technologique apparent des extraterrestres. Est-ce qu'ils ont une technologie incroyablement supérieure ou plutôt équivalente à la nôtre ou... le stress, donc ça va être comment si les enfin c'est surtout c'est lié à la première caractéristique, mais là c'est si les extraterrestres sont agressifs ou pas. Comment eux se comportent vis-à-vis de nous, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils s'amènent et qu'ils commencent à tout le monde, mais bon, ils ont peut-être un comportement pas très amical, ou, donc ça serait du stress. Et alors la troisième caractéristique, ce serait le coping, donc la capacité à faire face des individus. Donc ça, c'est comment on gère le stress, parce qu'en psychologie, on dit toujours, tu as le stress, mais les individus sont très, ont une réaction variable au stress en fonction de leur capacité à faire face, donc au coping. Donc en fait, la réaction des individus dépendra de ces trois réactions. Ouais, des circonstances finalement. Et alors, donc c'est à ces trois caractéristiques, mais enfin, bon, juste je vais détailler principalement la menace. Donc comme je le disais, c'est leur capacité technologique apparente, mais alors tu as un deux secondes critiqueur qui est extrêmement important, c'est leur proximité. Et D'accord. ensuite la perception de leurs intentions, comme je le disais. Mais la proximité est extrêmement importante puisque ça dépend si on fait le premier contact ici sur notre planète, si on fait le premier contact, si c'est nos astronautes ou nos cosmonautes qui sont ailleurs, et que ça se passe pas chez nous. Et puis le cas de figure qui en fait est probablement selon moi, enfin qui est selon moi le plus probable, le programme SETI, on reçoit une transmission radio ou autre. Mais de toute façon, vu les distances, on sait que ça, ce type de transmission, c'est des coups de téléphone extrêmement lents. Donc de toute manière, la menace serait nulle. Ils nous envoient un message, on a le temps, on leur envoie un autre message, ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y a pas de quoi stresser. Donc en cas de SETI, la menace serait non existante, donc il n'y aura absolument aucune raison de paniquer. Voilà, c'est un peu ma présentation sur la première partie que je voulais aborder. Donc, Ok. le contact, je sais pas si tu as des questions, des remarques sur ça. Écoute, non, tout ça me paraît extrêmement intéressant. Bon, c'est ce qui va venir maintenant qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que finalement, on a quand même un exemple concret de simulation d'arrivée d'extraterrestres avec la réaction de la population. C'est de ça que tu vas nous parler, hein? Oui, effectivement, oui. Je sais pas, panique, pas panique, en fonction du contexte ou pas, je me réjouis vraiment de découvrir la suite. Pierre Lagrange a écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelle La guerre des mondes a-t-elle lieu? Alors Pierre Lagrange est un sociologue, il est postmoderne, disciple de Bruno Latour. Donc postmoderne, ça veut dire qu'il considère qu'on ne peut pas différencier science et pseudo-science. Et que Bruno Latour, c'est l'idée que la science s'explique de manière sociologique. Donc la science est un discours comme un autre. Entre la religion est un type de discours, la science est un type de discours. Et les différents types de discours ne peuvent pas avoir de meilleur accès à la vérité que d'autres, quoi. Tout est au même OK. niveau. Évidemment, Pierre Lagrange est un antirationaliste, donc il casse du sucre sur les sceptiques sans arrêt, donc évidemment ça m'a interpellé. Et donc il a écrit un bouquin où il essaye de dire que, évidemment le titre c'est La guerre du monde a-t-elle eu lieu, donc ça donne un peu spoiler, c'est qu'évidemment lui il prétend que la guerre du monde n'a pas eu lieu, que c'est un mythe rationaliste, que personne n'a eu peur. Alors en fait j'ai un extrait audio d'une interview de Lagrange que je vais vous jouer, comme ça vous allez entendre ce qu'il nous dit et puis après on discutera plus en détail. Parce que ceux qui ont entendu parler de cette histoire savent que il y a eu des scènes de panique, voire des suicides, parce que les gens croyaient réellement à une attaque extraterrestre. Les gens se seraient et enfuis, voilà. se seraient jetés par les fenêtres et Et tout. vous nous dites pas du tout, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de scène de panique à En fait, l'époque. la vraie panique, justement, elle commence pas au moment de l'écoute, elle commence le lendemain, selon moi. C'est la panique des intellectuels face aux foules, à la culture populaire. les gens d'Isérieux ont toujours eu peur du peuple depuis la fin du 19e siècle avec la psychologie des foules de Le Bon. On croit toujours que les foules, c'est là le chaos. Mmh. Et là, ça a été, cette affaire était une bonne excuse pour tous les gens qui se disent un peu lettrés, rationnels et tout, pour dire, vous voyez, comme les gens sont bêtes, ils sont prêts à croire n'importe quoi. En fait, personne n'a cru à cette histoire. En fait, vous nous expliquez qu'il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs, crédules, prêts à suivre les foules au moindre mouvement. Non, non, le vrai problème dans cette histoire, c'est que pendant des décennies, tout le monde, chaque personne qui se voulait un peu critique, a repris cette affaire comme exemple de crédulité populaire. Et chaque fois, on en a rajouté un peu. Donc, on a rajouté notamment des suicides. Il n'y a eu aucun suicide. Le New York Times évoque une dame que son mari a trouvée, paniquée, avec un flacon de poison qu'elle allait avaler et tout. Elle ne l'a jamais avalé. Dans les récits, quelques années plus tard, elle a avalé le flacon. Donc, et comme ça, on en a rajouté. Ce qui est étonnant, c'est que tous les gens dits critiques, qui donc sont prêts à critiquer les auditeurs qui auraient cru, répètent cette histoire sans aller vérifier jamais à la source. Ce sont eux les naïfs, en fait. Oui, la vraie naïveté, elle n'est pas du côté où on croit. Guerre des mondes de l'émission radio, juste pour tes auditeurs. Donc, ça a eu lieu le 30 octobre 1938, basé sur une émission radio d'Orson Welles, qui à l'époque, il a 23 ans, sur base d'un scénario d'Howard Koch, qui aura un Oscar bien plus tard pour le film Casablanca. Donc, voilà un peu l'équipe. Ils font cette émission radio et, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un documentaire, c'est-à-dire que ça se présente comme des flashs d'informations. D'accord, alors évidemment, ça n'utilise pas du tout les codes de la fiction. On aurait pu croire que c'était vrai, que c'était ce qui était en train de se passer. Exactement, oui. D'accord. Et alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les flashs d'informations étaient une nouveauté. Ça venait d'être inventé à la radio, donc les gens n'étaient pas très habitués. Et c'était dans le contexte, évidemment, on est en 38, hein, avec la guerre mondiale la deuxième guerre mondiale qui s'approche. Et donc Orson Welles décide de jouer, enfin, on ne sait pas qui a eu l'idée vraiment d'utiliser des flashs de faux flashs d'information, mais c'est ce qu'il décide de faire. Mm-hmm. Évidemment, ça a son importance principale pour expliquer la panique. Donc, puisque après, bon, ça suit plus ou moins le roman d'H.G. Wells, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il commence avec une émission, une retransmission d'un concert qui est interrompue par un flash d'information. Le flash d'information nous dit qu'il y a une activité inhabituelle sur Mars qui est détectée par un astronome. Puis après, un météore s'écrase dans un lieu qui s'appelle Grover's Mill. Et puis, un extraterrestre en sort. Et puis, alors, il y a les fameux tripodes qui commencent à attaquer tout le monde. Et puis, ça se finit sur New York qui est dévasté par les extraterrestres. D'accord. Et si tu connais le roman d'H.G. Wells, en fait, les humains ne savent rien faire contre la technologie extraterrestre, mais ils sont décimés au dernier moment par des bactéries. Des bactéries, ouais. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au début de l'émission, Orson Welles lit l'introduction du roman d'H.G. Wells. Donc, si on prend l'émission dès le départ, on est clair que c'est une émission radio. D'accord. Puisqu'il y a cette introduction qui est tout à fait dans le mode de la fiction. Et aussi, vers la fin de l'émission, ils ont fait... vers la fin de l'émission, de toute façon, New York est dévasté par les extraterrestres et on nous parle d'un des survivants qui est en train de marcher dans New York dévasté. Donc, à mon avis, tous les habitants devaient bien se rendre compte que ça ne s'était pas produit. Donc, le moment où les gens pouvaient paniquer est finalement très, très bref. Ok. Une des raisons aussi qui a beaucoup joué, c'est que il y avait une émission qui était en compétition, qui était extrêmement populaire au même moment. C'était une émission avec un humoriste qui était la star. C'était un peu l'équivalent des Guignols des infos, mais pour l'époque. Et alors, tout le monde a écouté. Les auditeurs ont écouté partout, ont écouté massivement cette émission-là. Et puis l'humoriste, le ventriloquiste, s'est arrêté. Parce que son sketch était fini, et puis on est passé, après donc 12-15 minutes, si mes souvenirs sont bons, c'était un autre chanteur qui allait faire un air d'opéra. D'accord. Et évidemment, ce qui s'est produit, c'est que plein de gens se sont mis à zapper. Bah oui. Mais alors, évidemment, si tu zappes, tu loupes tout l'avertissement du début d'Orson Welles, et t'arrives au moment où on découvre la météorite à Grover's Mill, juste au moment avant que l'extraterrestre ne sort. Et là, ça sonne exactement, c'est un journaliste qui est sur le terrain, etc., ça sonne comme un flash d'infos. Ok, je comprends mieux le contexte là, ouais, c'est super intéressant. Alors bon, la question donc, qu'on se pose, c'est est-ce que les gens ont paniqué ou pas? Mm-hmm. Alors, je vais répondre directement à la question pour faire un peu arrêter le suspense. C'est une question de sémantique, ça dépend qu'est-ce que tu mets derrière le mot panique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui prétendent que la guerre des mondes n'a pas eu lieu, ils vont dire, oh, mais en gros, tout ce qu'on raconte, enfin, non, c'est pas, enfin, évidemment, il y a la question des journaux. Les journaux, le lendemain, se sont déchaînés, et évidemment, les journalistes, ils ont écrit des choses qui n'étaient pas correctes. Ils ont même inventé des bazars. Mais alors, bon, est-ce que ça a vraiment quelque chose d'étonnant? Ça n'a rien à changer aujourd'hui. qui a confiance dans la presse écrite, n'est-ce pas? Non, mais, enfin, je veux dire, ils ont gonflé le bazar. Et une des raisons, c'est parce que la presse écrite n'aimait pas trop la radio. Il y avait de la compétition entre les deux médias à l'époque. Et qui se sont déchaînés en se disant, c'est le moment de casser du sucre sur la radio. D'accord. Donc, Pierre Lagrange, il n'est pas le seul auteur, évidemment, prétend qu'il n'y a pas eu de guerre des mondes, que c'est juste un mythe rationaliste, à cause du fait qu'il y a eu des dérapages des journalistes. Le seul problème, c'est que, pour cette thèse, c'est qu'en fait, il y a eu un psychologue qui a travaillé sur le sujet à l'époque, qui a publié un bouquin, donc, qui s'appelle Adley Cantrill, qui s'appelle donc Invasion from Mars, A Study of the Psychology of Panic, donc l'invasion de Mars, une étude de la psychologie de la panique, où donc il a envoyé ses doctorants étudier le sujet de près, une ou deux semaines après la panique, donc très rapidement. Et alors là, évidemment, tout l'argumentaire du fait que les journalistes, on ne peut pas leur faire confiance, tombe. Alors, à moins de prétendre qu'Harley Cantrill ait falsifié ses données, je ne vois pas très bien comment on peut, mais enfin. Alors, au niveau de ses données, premièrement, il a, donc là, c'est même pas des données qu'il a récoltées lui-même, c'est un sondage qui a été fait à l'époque par l'American Institute of Public Opinion, donc l'Institut américain de l'opinion publique. Donc, ils ont demandé dans un échantillon représentatif de la nation combien de gens, donc c'était quoi la question? Est-ce que vous avez écouté l'émission d'Orson Welles? 12% ont répondu oui à la question. Et sur ces 12%-là, évidemment, ils ont demandé... Est-ce que vous avez paniqué? Voilà. At the time you were listening, did you think the broadcast was a play or a real news report? Donc, est-ce que vous avez pensé que c'était une pièce de théâtre ou est-ce que vous avez pensé que c'était un rapport, enfin, un flash info authentique? Ouais. Et de ces 12%, 28% ont indiqué que c'était le cas. Donc, en fonction de la population de l'époque, Adley Cantrill calcule que sur le territoire américain, 1 200 000 personnes ont été, alors il dit excitées par celui-ci. D'accord. Alors évidemment, c'est ça que c'est là la chose. On a un chiffre quoi, 1 200 000 personnes ont été perturbées, ont cru que l'émission était un flash info authentique. Évidemment, l'argument des gens qui moi je trouve que c'était un chiffre énorme, mais les gens qui mettent en conteste la guerre des mondes ne disent pas ce chiffre est faux, ils disent oui, mais ils n'ont pas paniqué, ils ont juste cru que le flash info était authentique. D'accord. Donc en fait, ça dépend qu'est-ce que tu mets devant le mot, derrière le mot panique. Eh bien sûr, ok. Ouais, je commence à mieux comprendre. Alors au niveau des autres données qu'il a récoltées, il a interviewé, il a fait des études de cas. Donc ça, c'est directement ses doctorants à lui. Ils ont interviewé 135 personnes qui avaient rapporté avoir paniqué pendant la radiodiffusion. D'accord. Donc ça, c'est quand même des choses objectivement mesurables. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc, bien, des indicateurs. Donc, on voit bien que quelque chose s'est produit. Donc, dans l'extrait que j'ai passé, Pierre Lagrange disait quand même « personne n'y a cru ». Donc, d'après les données objectives, il y a quand même pas mal de gens qui ont cru. Hein. Donc, qu'on me dise... Il y a pas mal de gens qui ont cru et puis il y a pas mal de gens qui ont effectivement paniqué. Voilà. En tout cas, 138 personnes qu'on a pu... Oui, alors dans les gens qu'il interviewe, il y a des, donc là, il raconte, il cite les anecdotes, je vais donner juste deux exemples. Donc, certaines personnes rapportent avoir vu les flammes de la bataille, d'autres ont senti l'odeur des gaz martiens. Ah ouais. Ou encore leur rayon de chaleur. Donc, je donne un exemple. Donc, I stuck my head. Donc, j'ai sorti ma tête par la fenêtre et j'ai cru que je sentais l'odeur des gaz et j'ai senti comme de la chaleur qui venait de l'extérieur, comme si du feu arrivait vers moi. Waouh, ouais, c'est fou ça. Alors évidemment, c'est des anecdotes, on peut me dire, c'est anecdotique, ok. Moi je trouve que c'est quand même fantastique. Alors pour terminer, puisqu'on arrive tout doucement à la fin, oui. En plus un argument que Pierre Lagrange n'aborde absolument pas, c'est le fait qu'il y a eu d'autres guerres des mondes, c'est-à-dire que d'autres pays ont reproduit l'expérience sociologique, si on veut. Des animateurs radio se sont dit qu'ils allaient faire la même chose, et donc au Chili en 44, en Équateur en 1949, au Portugal en 58, 88 et 98, au Brésil en 71, aux États-Unis en 68 et 74. Et donc là, c'est chaque fois une pièce radio similaire, donc où on adaptait juste la localisation géographique, hein, parce que de toute façon le roman d'H.G. Wells c'est en Angleterre, donc ici déjà Orson Welles l'avait adapté pour les États-Unis. Ouais, ouais, bien sûr. Donc il change juste la localisation géographique, ou alors il y avait aussi des émissions, enfin des flash TV, je crois aux États-Unis une année c'était des faux flash TV. Et à chaque fois, malgré les efforts, là ils ont vraiment pris leurs précautions. Les organisateurs envoyaient des lettres d'information à la police, aux stations de radio, au téléphone, aux pompiers, leur disant on va faire une émission de la guerre des mondes, si des gens paniquent, ne faites rien, c'est normal, c'est juste nous. Mais malgré ça, il y avait chaque fois eu des réactions assez violentes. Et c'est mon contre-argument central, oui, parce que c'est un argument de Pierre Lagrange, c'est de dire oui, mais en fait les gens, ils n'avaient pas de raison de paniquer parce qu'ils savaient très bien, on pouvait très facilement identifier qu'on était devant un faux, puisque Orson Welles le disait à la fin, il le disait au début, et puis si on ouvrait le programme radio, c'était marqué dans le programme, il suffisait juste d'ouvrir le programme et de lire, il y avait marqué que c'était l'émission La Guerre des Mondes, donc il suffisait que les gens vérifient dans leur programme radio. Et aussi, la durée valable de la panique, c'était finalement une quinzaine de minutes, puisqu'au départ, les gens qui écoutaient le début savaient que c'était un faux, et à la fin, ça devenait totalement incrédible, que plus personne ne pouvait y croire. Oui, mais en fait, vu la réaction et le nombre des gens qui ont paniqué, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils avaient tous les moyens de savoir que c'était bidon, que ouais, c'était pas vrai. Et ils avaient une durée très courte pour paniquer, et malgré ça, on a eu un effet gigantesque. Ouais. Alors qu'on n'était plus en 1938 dans un contexte de montée des fascismes, de tensions internationales, etc. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant, ça. De ce que je disais là, c'était quand même pour l'émission de Orson Welles, mais les paniques ont été les mêmes dans les autres pays. Et je vais terminer parce que je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, parce que l'exemple le plus fort, parce que donc les contradicteurs de la guerre des monstres disent oui, mais les gens sont pas sortis, ils ont pas ouvert le feu, ils ont pas fait des choses qui relèvent vraiment de la panique. Ok, on peut dire ils ont juste été très effrayés, si vous préférez ce vocabulaire-là. Mais en Équateur, en 1949, les gens se sont retrouvés dans la rue et donc pendant l'émission radio. Et alors l'émission, le gars qui était en train de faire l'émission radio, donc l'équivalent de Orson Welles de équatorien, s'est dit merde, ça recommence. Il a fait une annonce à la radio en disant hey, les gars, calmez-vous, c'est jamais qu'une émission radio, c'est pas pour de vrai. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une émeute qui a démarré, c'est-à-dire que les gens étaient furieux d'avoir été bernés. Et donc ils ont attaqué le bâtiment de la radio. Donc il y a eu plus de 300 personnes qui ont attaqué le bâtiment de la radio. Ah ouais. La radio avait fermé les portes, donc ils sont retrouvés dehors. Et les gens dehors ont fabriqué des sortes de cocktails Molotov improvisés. Ils les ont balancés à l'intérieur. Un incendie a démarré. Et donc, l'immeuble a brûlé complètement et il y a eu au moins 6 morts. Waouh. Dans le building. Ok. Donc bon, ben, la conclusion, c'est que finalement, les réactions ne sont pas forcément rationnelles, mais en l'occurrence, c'était pas sur ce dernier exemple, c'était pas la peur panique des extraterrestres qui a rendu les gens furieux, mais c'était le fait d'avoir été pris comme cobaye comme ça d'une expérience sans être prévenu. Peu importe le terme qu'on applique, hein, panique ou très effrayé, enfin, moi je trouve que c'est un débat un peu débile. En tout cas, prétendre qu'il ne s'est rien passé ou que c'est qu'un mythe ou quoi, c'est juste pas vrai, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après, les spécialistes peuvent gloser autant qu'ils veulent sur comment le qualifier. Ouais, bah écoute, c'est très intéressant. Merci, merci beaucoup. De rien. Tu nous rappelles où on peut te trouver sur le web? Pour écouter mon podcast, ça se trouve donc le plus facile, c'est d'aller dans iTunes et de taper scepticisme scientifique. Ben, merci infiniment. Alors, ben, excellent. Bon, je reviens sur ce qu'on avait dit la semaine passée. Tout troll qui nous invente des petites soucoupes volantes et qui nous parle d'ovnis et d'extraterrestres qui sont déjà chez nous ou qui vont nous attaquer prochainement, on fermera les commentaires pour eux. Ouais, idem concernant les origines de la vie, on n'a pas envie d'avoir de discussions stériles, de bras de fer avec des créationnistes ou des gens comme ça, enfin des différents allumés religieux. Donc une fois n'est pas coutume, on est plutôt ouvert au dialogue, mais franchement au dialogue constructif, quoi. Donc là, pas de troll non plus sur ces sujets. Ah, professeur Foll. Et puis, ouais. Ouais, on a de nouveau été coupé, mais je crois qu'on n'a rien perdu. D'accord. Je voulais juste dire aussi, vu qu'on s'approche du 11-11-2011, ce qui est sujet à tous les fantasmes, voilà. Aucun rapport avec notre dossier, hein. Que ce soit clair, et avec l'interview de Jean-Michel Abrassard, surtout. Ouais. Ouais, le geek en moi aime bien cette date binaire. On aurait une pensée émue à 11h11. Ok, sinon, alors quelques retours de poditeurs sur les épisodes précédents. Donc d'abord, on a Xavier Agnès qui revient sur l'épisode de la semaine dernière sur les planètes habitables. Tu veux nous en dire un mot, Mathieu? Oui, j'avais parlé des deux sondes, des deux rovers, des deux petits robots qui avaient été envoyés sur Mars pour essayer d'analyser la géologie de la planète. Et on s'était posé, je crois que tu m'avais posé la question si, parce que j'avais dit en fait que cette première mission avait vraiment pour but d'étudier géologiquement la planète. Et tu m'avais posé la question s'il y avait une nouvelle mission qui partirait prochainement pour étudier plus les caractéristiques chimiques. Et j'étais Dis-moi. pas très au courant, et alléluia, Xavier Agnès nous dit que oui, il y a une sonde, la rover Curiosity, qui devrait partir pour Mars. Alors, ça fait partie d'une mission qui s'appelle Mars Science Laboratory, une mission d'exploration de la planète Mars à l'aide donc qu'on appelle d'un astromobile ou d'une rover qu'on a baptisée Curiosity. Et ça a été développé par l'Agence spatiale américaine de la NASA. Et cette sonde spatiale doit être lancée le 25 novembre 2011 par la fusée Atlas V, donc c'est pour bientôt. Et elle va rechercher des traces de vie, analyser la composition minéralogique, étudier la géologie de la zone explorée et collecter des données sur la météorologie et les radiations qui atteignent le sol de la planète. Ok. Et la durée de la mission est fixée initialement à deux années terrestres et le rover est conçu pour parcourir 20 km. Alors, d'accord. Ça c'est la première chose, mais je suis aussi tombé sur un article parce qu'il faut aussi signaler qu'hier, donc juste hier, mardi, une autre sonde qui s'appelle Phobos Grunt a été lancée à destination de Mars par la Russie. Et cette mission spatiale russe a pour objectif d'étudier Phobos, c'est un des deux satellites naturels de la planète Mars, et de ramener un échantillon de son sol. Et cette sonde russe devrait arriver à destination en octobre 2012. Néanmoins, aujourd'hui même, donc elle était lancée hier, mais aujourd'hui, juste après son lancement, il semblerait qu'elle soit restée attrapée en orbite autour de la Terre, dans une orbite basse de la Terre, et ses moteurs qui devaient l'emmener vers Mars ne se seraient pas allumés. Ouais. Donc, sale coup pour l'équipe. On va voir s'ils arrivent à récupérer ça. Ouais, j'ai lu un article aujourd'hui sur la question. En fait, je crois qu'ils ont 3 jours jusqu'à ce que les batteries se déchargent. Donc, ils ont 3 jours pour uploader un nouveau logiciel qui va permettre à la sonde de corriger sa trajectoire et d'enclencher son moteur. Puis passer les 3 jours, bah c'est fichu, quoi. Ouais, bah je Le connais train pour travailler. quelques-uns là en Russie qui doivent être bien bien chauds là maintenant. Ah ouais, il doit être bien stressé. Ok, donc juste pour les poditeurs qui ne nous écouteraient pas plus ou moins en direct, on a dit que c'était hier que la sonde était partie. Donc aujourd'hui, on est le 9 novembre, le mercredi 9 novembre 2011, au moment de l'enregistrement de l'émission. Ouais. Alors, Vincent Le Breton nous a aussi un peu complété ça. Bon, d'abord, il nous envoie un petit lien, plein d'illustrations complémentaires et d'articles variés au sujet du mini-système saturnien avec Titan et Encelade en vedette. C'est des superbes photos de Saturne. On voit ses satellites, des petits points noirs, et c'est une superbe photo. Et il nous envoie aussi deux autres liens. Le premier concerne la présence d'eau sous différentes formes sur les planètes telluriques du système solaire, et notamment la théorie de la photolyse et l'absorption du dioxygène résultant de la croûte vénusienne. Alors il nous met un lien qu'on mettra sur le site. Et il nous dit aussi il nous reparle de la mission imminente d'un laboratoire d'exploration de chimie martienne, qui est le Mars Science Laboratory dont je viens de parler. Qui était avant connu sous le nom de Mars Curiosity, donc cette sonde qui avec ce petit rover qui va être envoyé tout prochainement, le 25 novembre. Il nous dit aussi une dernière chose, Ganymède, satellite galiléen jovien, posséderait lui aussi une couche d'eau liquide sur sa surface glacée. D'accord, juste Jovien, ça veut dire jupitérien. Oui, a priori, ouais. Ouais. Les planétologues européens trouvent plus intéressant l'exploration de ce satellite plutôt que l'exploration de Europe. ce qui est un autre satellite, car il est presque comparable à une planète tellurique, de par sa taille, son atmosphère ténue, son champ magnétique complexe, etc. Et Galileo a découvert les quatre plus gros satellites joviens, donc de Jupiter, en observant leur alignement différent de part et d'autre de la géante gazeuse d'une période d'observation à l'autre. Alors, il nous met aussi un petit lien vers Wikipédia pour plus de détails. Mmh. Et il continue, il nous dit, je me demande, si on considère Jupiter comme une étoile avortée, donc composition proche mais masse insuffisante pour permettre une réaction nucléaire en chaîne, il se demande aussi si le système jovien, s'il faut le considérer comme un mini-système planétaire, les lunes tournant autour à différentes distances, quatre d'entre elles étant relativement grandes et rondes, Ganymède pouvant notamment être considéré comme une planète tellurique. Donc est-ce que ce serait un mini-système solaire, en fait, Jupiter? Et il nous dit aussi, Jupiter ne renvoyant pas la chaleur stellaire, ni de vent stellaire, mais produisant tout de même plus de chaleur qu'elle n'en reçoit et produisant un champ magnétique puissant et complexe, à rapporter à sa relative proximité d'avec ses lunes. Je me demande donc s'il y a eu des recherches pour envisager une zone habitable autour d'une géante gazeuse, même si cette dernière est, en tant que planète, en dehors de la zone habitable du système stellaire auquel elle appartient. Mmh. Mmh. Donc c'est une étape supplémentaire. Ouais. Bon, alors personnellement, je n'en sais rien. Je pense que pas beaucoup de nos auditeurs doivent le savoir, mais bon, peut-être qu'on aura plus d'informations prochainement et on pourra compléter le sujet. Ouais, si quelqu'un le sait, s'il vous plaît, il faut absolument satisfaire la curiosité de notre ami Vincent. Merci d'avance. Il y a aussi Guillaume Lebrun qui revient sur la terminologie concernant Mars. Ouais. Parce que moi j'avais parlé de géologie, puis tu m'avais repris pour me dire que géo ça voulait dire terre, donc est-ce que pour Mars on peut parler de géologie? Ouais. Alors la racine. J'ai fait mon professeur Fun qui tape sur les doigts, mais qui n'a pas forcément de réponse. Ouais. Donc là on a des éléments. Hein. Ouais, alors Mars, ça a une origine latine qui est Arès. D'accord. Donc en français, pour décrire la science de la planète Mars, ça devrait être logiquement Arésologie. Eh bien non. On dit géologie martienne. Mais par contre, en anglais, le mot aresology existe. D'accord. Pas mal, hein ? Ouais, c'est excellent. Top. Alors, merci, Guillaume. Et Vincent Le Breton qui lui répond, qui nous dit, on parle aussi d'aérocroiseur pour un lapsus. Aérocroiseur pour un astéroïde croisant l'orbite martienne contre géocroiseur pour celle de la Terre. Ok. Donc, quand quelque chose commence par Arès ou Arès, c'est Mars. C'est un rapport avec Mars. Mm-hmm. Bon, ben voilà, on mourra moins bête. Excellent. Voilà. On a eu aussi 2-3 petits retours sur ton dossier sur les neutrinos. Oui, alors notamment Guillaume Bonneau qui nous avait dit qu'il allait essayer de retrouver la source de son affirmation. Donc, il disait que les neutrinos voyageraient en ligne droite, ce qui n'était pas forcément le cas des photons. En fait, ça vient d'un podcast, c'est Ciel et Espace Radio, où à un moment donné, l'intervenant dans le podcast dit que les neutrinos voyagent en ligne droite. Et puis, il y a une transition. Voilà, il dit qu'ils voyagent en ligne droite alors que les photons ont mis du temps à partir. Et voilà, il était resté sur ce « alors que », il en avait déduit que les photons ne voyageaient pas en ligne droite, mais en fait, en réécoutant l'intervention, il s'est rendu compte qu'il a juste été induit en erreur par cette transition. Donc voilà, finalement, pas de scoop. Bon, je crois que lui, en tout cas, il n'est pas très au clair si en fait les neutrinos seraient partis avant les photons ou si... finalement ils sont partis en même temps que les photons, mais les photons voyagent en courbe et les neutrinos en ligne droite. Non mais finalement ouais. c'est bien ça, c'est très clair, les neutrinos sont simplement partis avant parce qu'ils ont pu se dégager immédiatement de l'explosion n'étant pas retenus par la matière, ouais. Alors que les photons ont mis plus de temps à se dégager, mais tout le monde a voyagé en ligne droite. D'accord. Voilà. Oui, pardon. Non, sinon, alors on a le débat continue concernant le langage chez l'humain. Oui, il y a Yannick et Thierry Reber. Donc Thierry Reber qui avait déjà fait des excellentes interventions lors de mon dossier, qui ont discuté par commentaire interposé. Donc je ne vais pas tout lire parce que c'est nouveau assez long. Je vous invite à aller sur le site et lire les commentaires du dossier. Mais en gros, ils discutent dans les commentaires de la langue vietnamienne qui définit un seul mot pour caractériser le vert et le bleu. Ce qui irait peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on avait dit sur la catégorisation des couleurs. Et il parle aussi de la dichotomie entre deux différents courants principaux qu'on a dans le langage, qui est l'innéisme et le relativisme. Alors voilà, pour ceux qui sont vraiment passionnés de langage, vous pouvez retourner sur le dossier et suivre les commentaires. Ouais, Thierry Reber avait d'ailleurs une réponse pour cette histoire de couleur grise. Donc il y a deux exceptions. Il trouvait son dossier déjà, enfin ses contributions déjà extrêmement longues. Du coup, il n'est pas entré dans le détail, mais voilà. C'est la difficulté de la vulgarisation. Des fois, on ne dit pas tout et boum, on se fait pincer. Donc il y a deux exceptions connues à la règle qu'il a présentée. Puis le vietnamien est l'une de ces exceptions. Et vu que les exceptions confirment la règle, Bah ouais. voilà. Ouais. On va rester avec la règle qu'il nous avait donnée de catégorisation des couleurs. Exactement. Ouais. Et puis bah, tout le détail est disponible sur le site dans les commentaires. Sinon, on a encore une réaction à ton départ. C'est Franck Goudard qui nous dit quel dommage de voir partir Mathieu de la présentation régulière du podcast. T'as vu la nuance maintenant, on ne dit plus le départ de Mathieu, c'est le départ de Mathieu de la présentation régulière. Je crois que tout le monde a bien entendu que tu allais quand même revenir. Ah T'allais ouais, rester dans le giron et revenir de temps en temps. une petite précision avec le mot régulier, ouais, effectivement. Ouais. Encore merci à lui, en espérant qu'il trouve le temps de partager une quote ou deux l'année prochaine. Et merci à Alan pour ce balado qui fait vraiment aimer la science. Bah, c'est top, merci Cool, ouais, Franck. merci bien. Merci Franck du commentaire. Et puis c'est vrai, ça les quotes, non d'une pipe. Comment est-ce qu'on va faire pour les quotes? Ça va être compliqué. On va voir, on va trouver une solution. Ouais, bon, je pense qu'on aura des quotes ordinaires. Et puis de temps en temps, quand tu viendras nous voir, on aura des quotes extraordinaires. Ouais, t'exagères un peu quand même, mais bon. C'est difficile, hein. L'exercice de la quote chaque semaine en plus, c'est vraiment franchement difficile. Enfin, on verra comment on va se débrouiller. Et puis sinon, encore quelques petites annonces. Alors, une annonce top d'abord, c'est l'ouverture de Strip Science, le projet dont Pierre Kerner nous avait déjà parlé dans le podcast. Donc, c'est son projet, c'est son bébé. Il a fait ça avec le Café des Sciences. En deux mots, c'est de la science en BD. C'est un habile mariage des blogs scientifiques et de la BD, et c'est vraiment chouette. Lucille y participe évidemment, donc c'est à découvrir d'urgence. L'adresse c'est stripscience.café-science.com. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Presque last mais pas least, Truelle a râlé. J'aime bien ce pseudo, Truelle. Il a râlé parce qu'il n'y a pas de page sur le site qui permette d'accéder directement à l'ensemble des épisodes du podcast. Donc une page qui liste tous les podcasts. Exactement, ouais. Ouais. J'ai essayé de lui répondre, pas le temps, tout ça, gna gna, mais enfin, Marco a Les pris. excuses classiques. Ouais, c'est ça, ouais. Marco a pris les choses en main et puis bah, c'est désormais corrigé. On a une page qui liste simplement les podcasts. Qui rappelle vaguement, enfin dans les grandes lignes, en très résumé, de quoi on a parlé, et puis qui propose simplement un lien sur la page qui contient le podcast avec le player, la possibilité de le télécharger, etc. Donc un grand merci à Truel et puis un immense merci à Marco, qu'on retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. Marco, il va nous faire sa chronique sur l'évolution, pour le mois de novembre. On se réjouit, il va nous parler de l'œuf du kiwi. Ah, j'ai pensé que tu allais dire l'œuf ou la poule. L'œuf du kiwi. Bon. Ouais. C'est aussi savoureux que le fait la poule, tu verras. Bon, en tout cas, ouais, en fait, il a eu raison, Truelle, nous chipoter avec cette page. Parce que c'est vrai que c'est basique d'avoir une page avec la liste Mais bien sûr, bien sûr. des MP3, des podcasts. Et on n'en avait pas. Donc, ouais, merci d'avoir râlé. Et puis, ben, félicitations et un grand merci à Marco pour avoir pris le temps de la créer. Ouais, Ouais. cool. Ouais. Bon, d'ailleurs, en règle générale, notre site web est une vraie catastrophe. On n'a pas le temps de s'en occuper. C'est un Non, peu ça pathétique. va, ça Bah, va. franchement, ouais, si quelqu'un a des compétences et a envie de donner un coup de main, l'appel est lancé. Franchement, n'hésitez pas. Ça Y a ferait des pas de pires mal. sites web que le nôtre, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y en a des beaucoup mieux aussi. Enfin, on va pas lancer un débat sur la question. Ok. Ok, et puis toute dernière. Ah, coupure. Coupure, pardon. Plus. Pardon, on a une coupure là. Ah mince, alors mon annonce, tu parles d'un effet d'annonce raté. Je disais, nous avons le podcast à sa propre page Google Plus à partir de maintenant. Donc il faut nous aimer et nous suivre aussi dans Google Plus. Avec des plus 1 autant que vous pouvez. Ouais. Ouais, il faut plus soyez. Plus soyez à tire-larigot. Et puis bon, on ne sait encore pas trop ce qu'on va y trouver. On verra à l'usage. On va s'en servir comme outil de promotion, évidemment, pour la diffusion des épisodes, comme on le fait sur Facebook, sur Twitter, sur Notex, un peu partout. On le fera aussi sur Google+. Mais peut-être qu'on peut aussi s'en servir pour autre chose. C'est l'usage qui déterminera à quoi peut bien servir la technologie. On aime bien comme ça, là. La sérendipité. Pour moi, je suis un peu arrivé au bout de ce que j'avais à dire. Toi, j'imagine qu'il te reste quand même la quote, Mathieu. Oui. Ah. Alors aujourd'hui, on a parlé de comment est apparue la vie. Donc on voit qu'il faut quand même pas mal de conditions pour que tout puisse se faire. Alors la quote, elle dit la chose suivante. Si la vie ne tient qu'un fil, eh bien je crains le jour où Dieu passera au Wi-Fi. Ça me plaît beaucoup. Elle est bien geek aussi. Donc voilà, pas énormément de méditation aujourd'hui, mais un petit peu d'humour. Ouais, non, bien cool. Excellent. Très bien. Donc on en reste là pour cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec Marco pour parler des œufs de kiwi. D'ici là, une excellente semaine. Allez, bonne semaine. Ciao. Bientôt. Ciao.